Un mal, chapitre 20. Ils se rencontrèrent un peu plus souvent chez la Cougnole. Des fois, Germaine était prise d'un désir de le voir au milieu du jour. Elle trouvait alors un prétexte pour s'échapper jusqu'à la maison de la vieille. Il n'était jamais bien loin. Une paresse rendait sa vie monotone. Il passait ses journées à rôder dans le bois, tantôt se couchant dans les mousses, tantôt marchant devant lui, sans but. Quelquefois, il tuait le temps à couper des branches sèches pour Cougnole ou lui déchausser des souches mortes. Il y avait bien un mois qu'il ne braconnait plus. Ils avaient des sentiers convenus à travers les taillis. Souvent, elle l'apercevait étendue de son long dans la fraîcheur des herbes, sous un hêtre ou dans un fossé. Il dormait. Elle l'appelait par son nom à demi-voix et il s'éveillait, un ravissement dans les yeux. Il rêvait d'elle, justement, et brusquement, elle éclairait son réveil de son apparition. Ses mains la palpaient, reconnaissante, amoureuse, avec des ivresses. Il se saoulait de tendresse un bon moment. D'autres fois, le frôlement des feuilles annonçant l'arrivée de Germaine, il avançait au-devant d'elle. De loin, elle voyait sa figure entre les verdures. Il se prenait par la taille et s'enfonçaient dans les taillis ombreux, leurs hanches se touchant. Leur amour leur montait à la tête, comme un étourdissement, et ils se taisaient, s'écoutant vivre au fond d'eux-mêmes, profondément. Les jours où elle ne le rencontrait pas, Germaine allait l'attendre chez la Cougnole. Il arrivait bientôt, et ils demeuraient ensemble tant qu'ils voulaient dans l'isolement de la masure, n'étant troublés par rien. Cougnole avait des ruses variées pour les avertir de sa rentrée. Tousser, grommeler, traîner ses sabots, cogner à la porte avec une habitude de ces choses. Et son humilité de les servir grandissait avec le besoin qu'ils avaient d'elle. Cette Cougnole était une étrange créature. Ceux qui prétendaient que Rupin, son homme, n'avait pas connu précisément tous les bonheurs en ménage, étaient dans le vrai. Une histoire avait même couru, Rupin ayant trépassé subitement, on s'était rappelé certains propos de la vieille. Elle s'était plainte souvent que l'homme lui coûtait à nourrir. Il avait des maux qui l'empêchaient de travailler. Des semaines entières, il restait à dormasser, dans l'âtre. Mais les rumeurs étaient tombées devant la douleur bruyante qu'elle fit paraître. Elle demeura 2 jours auprès du cadavre, sans vouloir toucher à la nourriture, avec de grands gestes et des cris aigres. Il y eut une scène terrible sur le seuil, quand, debout, les bras en l'air, elle vit sortir les 4 planches clouées sur feu Rupin. Elle s'abattit de tout son corps sur le cercueil, voulant le ravoir, menaçant de ses poings les porteurs. Et tout doucement, à mesure que se haussaient les herbes sur la fosse du mort, les marques d'affliction de la femme diminuèrent. L'histoire s'enterra. La Cougnole mangea un peu mieux seulement. Elle avait beaucoup pratiqué un métier dans le temps. Elle veillait les vaches près de Vélée, les aidant à mettre bas. Et à force d'aider les bêtes, elle avait fini par aider les gens. Une expérience lui était venue en matière d'obstétrique. Les campagnardes la faisaient appeler encore quelquefois. Mais le garde champêtre avait l'œil sur elle. La Cougnole ne travaillait plus que clandestinement lorsque les femmes en mal d'enfant habitait un peu loin. Puis on avait eu vent d'une chose. Une fille de 20 ans qui habitait un village à 3 lieues de là avait été soupçonnée d'une grossesse. Et tout à coup, sans transition, elle avait repris son ancienne minceur. Pas pour longtemps, il est vrai, car elle était morte au bout de 5 jours. On accusa Cougnole d'avoir été mêlée à cette affaire. Mais il n'y eut rien de positif, et la fille ayant emporté son secret avec elle, le tapage finit par s'assoupir, comme s'était assoupi l'autre. Il est certain, toutefois, que la cougnole n'était pas intacte. À ce métier louche de sage-femme, elle enjoignait un autre, fabriquant des unions et même, sans qu'il fût question de mariage, s'entremettant entre filles et garçons. En outre, elle avait longtemps possédé un bouc auquel on menait les chèvres des alentours, et cette animalité en put en tisser sa maison d'une fêteur permanente. Elle faisait ainsi une sorte de commerce des choses de la nature, vivant de la lubricité des gens et des bêtes. Un jour, le bouc avait été vendu. Elle avait cessé de se déranger pour les gésines et s'était contentée de courailler les samedis de ferme en ferme, son cabas au bras, se faisant de ce qu'elle ramassait en un jour la nourriture d'une semaine. Les villageois la daubaient bien un peu à propos de ses pratiques anciennes, mais elle leur répondait plaisamment et passait son chemin, s'occupant uniquement d'alourdir son panier. C'était devenu une habitude de lui donner. Elle se béquillait sur un bâton, courbée, geignante, traînant la jambe, très proprement vêtue toujours, avec des biglements d'yeux qui amusaient. On ne savait pas au juste si elle était pauvre vraiment, mais on donnait, et à travers bois, quand personne n'était plus là pour l'observer, sa longue échine se redressait, sa jambe s'allongeait, elle gagnait sa masure, brusquement agaillardie. L'accord s'était fait tout naturellement entre elle et Germaine. Celle-ci n'eut besoin que de rencontrer Cachapret une première fois à sa porte. Comme il pleuvait et qu'elle était arrivée trempée, la vieille lui avait allumé du feu, bavardant à son ordinaire et lui demandant des nouvelles de l'autre. Et, tout à coup, ayant relevé la tête, elle avait aperçu derrière le carreau une haute silhouette. « Entre, fils !» Elle avait tassé du pied une charge de brindilles dans l'âtre et l'instant d'après, sans plus rien leur dire, avait tiré la porte sur eux. Au bout d'une couple d'heures seulement, elle était revenue gratter à lui. « La pauvre chère fille, était-elle séchée enfin ? Heureusement qu'au lieu de courir les bois, par les gros temps, on avait une vieille commère qu'on pouvait mettre à la porte en disant « Va-t'en, vieille bête de cougnole, tant que mon homme et moi serons à nous faire des mamours. » Il ouvrit, la chercha et ne la trouva plus. Elle était repartie par les taillis. Mais quand ils s'en allèrent, elle sortit soudain de derrière les arbres, les bénissant et réclamant un petit secours. Ce fut la première fois, et elle fut suivie de beaucoup d'autres. Dans les commencements, Germaine éprouvait une honte à la voir s'en aller. Ses manières silencieuses de ranger la chambre avant de la quitter lui faisaient monter des rougeurs derrière les oreilles. Et elle demeurait un moment perdue dans ses idées, ayant dans les yeux et l'attitude le remords vague d'en être arrivée là. C'était de brusques rappels de conscience, pendant lesquels la vertu de sa mère semblait lui revenir. Mais il arrivait, lui collait un baiser aux lèvres. Alors, cet autre sang, celui de son aïeul, reprenait le dessus, et sa fierté s'en allait dans les besoins d'amour. Petit à petit, l'habitude s'en mêla. Elle s'accoutuma au départ sournois de la cougnole. Ses bénédictions en les laissant la faisaient sourire simplement. Comme une préparation au bonheur qu'elle finissait par accepter, trouvant tout très bien, pourvu qu'il fût là, lui, avec ses emportements de tendresse sauvage et ses grandes caresses brutales qui la secouaient des pieds à la tête. Cougnole, pour prix de ses complaisances, eut une abondance de choses. Germaine lui apportait de la nourriture et des vêtements. Elle montait chez elle pour obtenir davantage, la disait très souffrante, insinuait que la fin de ses misères était prochaine, et quelquefois même, elle prenait sans demander. Un jour, elle mit dans son panier des chemises qui avaient servi à sa mère. Une autre fois, elle y glissa une paire de draps de lit de belle toile, dépareillant ses armoires dans son zèle à la payer. La masure était bien située, du reste, pour le mystère de leur rendez-vous. Peu de monde fréquentait la chaussée qui s'allongeait monotone, infinie entre ces grands arbres, dans un délaissement de vieilles routes royales. Quelquefois un piétinement lent de chevaux entrecoupait le bruit sourd des roues cahotant sur les pavés, des fouets claqués et des attelages de rouliers charriant de la houille, du bois ou des fourrages passaient, se perdaient dans la sourdeur de l'éloignement. Il demeurait là, bien seul en réalité, la porte close et le verrou tiré, il pouvait se croire séparé du reste des hommes. Le silence des forêts semblait se continuer dans le silence de la petite pièce où seul battait l'horloge, une vieille horloge dont les rouages au fond de la gaine imitaient le renâclement des grenouilles au soleil. Et il goûtait un enchantement à la pensée de mener une vie pareille le reste de leurs jours. Il lui parlait des bois. C'était la vraie vie de courir librement dans la sauvagerie de la terre. Il n'y en avait pas d'autre. Lui n'aurait pas troqué pour une ferme. Il méprisait la régularité du travail, les occupations graves du paysan trimant sur ses arpents de culture, rayant l'air avec son frère le bœuf. À la bonne heure, les plaisirs de son métier, rien ne valait une belle prise, un bon tour aux gardes, le qui-vive permanent du braconnier aux aguets. Il aimait les coups de fusil, l'odeur de la poudre, le petit claquement sec de la détente. Sûrement il se serait fait soldat s'il y avait eu une guerre. Elle l'écoutait, admirant ses gasconnades, et une envie de lui ressembler la gagnait. Elle regrettait presque sa richesse de fermière. Pauvre, elle aurait couru les bois avec lui, et ils auraient vécu des métiers farouches de la terre, ensemble. Il la regardait longuement alors, disant « T'as pas de cœur, vois-tu, sans ça !» Une fois il lui parla de la petite au duc, bien pour celle-là de rouler sa bosse avec lui. Tout un temps, elle avait été pendue à ses brés. Mais les filles, c'est comme le gibier, faut un certain âge pour que ça ait le goût. Germaine fronçait les sourcils, un peu jalouse de cet enfant que rien ne retenait. Elle finissait par secouer la tête ou hausser les épaules devant ce rêve de partager sa vie qui ne se réaliserait jamais. Elle en caressait un autre alors, c'est qu'il renonça à ses trafics, une barrière après tout pour tous deux, et elle substituait à son existence vagabonde une existence de fermier sérieuse et posée. Il aurait un cheval, il braconnerait tout de même. Bien des fermiers sont braconniers. Comme ça, je ne dis pas, faisait-il, rêveur. Mais le tout était d'y arriver, et il spéculait sur leur avenir. Germaine allait même jusqu'à escompter les chances de la succession. Elle aurait le bien de sa mère, d'ailleurs. La maison du garde, tu sais bien. Il trouvait cela drôle que lui, cachapré, irait un jour habiter la demeure d'un garde. Ça ne se serait jamais vu. Et il riait de son large rire bon enfant. Des pensées d'avenir se glissaient ainsi dans leur folie, honnêtement. Puis le soir tombait, l'heure sonnait à la petite horloge, le moment de se quitter les surprenait comme un accablement. Ces deux natures rudes se fondaient alors dans une effusion d'adieux tendres, de longs et d'interminables baisers. Elle partit, Cachapré s'évadait du côté des taillis, évitant d'être remarqué. Et de loin, elle voyait sa haute stature s'amincir dans une fuite rapide. Il attendait quelquefois sous les feuilles la tombée du jour. Lentement, la braise rouge du couchant s'éteignait, fumante dans le crépuscule froid. Et songeur, l'âme et l'essence caressées par l'odeur de la chair aimée, il se rabattait vers la hutte des ducs pour y dormir son grand sommeil. La bûcheronne ne le questionnait jamais. Elle semblait l'accepter comme elle acceptait la tempête, le manque de pain, l'occasion, sans raisonner, avec une fatalité inconsciente. Pourtant, au fond, elle était un peu troublée par le détraquement survenu dans les habitudes du gaillard. Il n'était plus le même. Mais elle se serait laissée couper le pouce sur le billot plutôt que de desserrer les mâchoires. Il avait un secret sûrement. Un jour, il l'envoya à la ville demander une avance d'argent à Bayol. Le marchand fit l'avance avec des plaintes infinies qu'on ne put pas mieux compter sur le gibier. Elle coula les ronds dans ses bas et la route décrut rapidement sous ses arpentées longues comme celles d'une bête au trot. « V'là ce qu'il a donné et v'là ce qu'il a dit » rapporta-t-elle. Il secoua la tête en riant. « Je suis pas en train. Faut croire qu'on m'a jeté un sort. » Joyeusement, il partagea l'argent avec les ducs qui, si souvent lui avaient donné le pain et le logis en frères.